Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Séverine Bellec. Bonjour. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel j'ai l'habitude de rencontrer celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. En 2021, avant de se lancer, je voulais vous dire que le podcast 2030 Glorieuse, il est soutenu par la NEF. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels, comme par exemple le projet de la personne que nous avons aujourd'hui. Séverine nous en dira plus tout à l'heure. Pour moi, c'est un partenariat important puisqu'il me permet de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année. Aujourd'hui, nous échangeons donc à distance avec Séverine, qui va nous parler de son métier au sein de la collecterie. C'est une ressourcerie située à Montreuil. Ensemble, nous allons parler de la place des objets dans nos vies, de la circularité dans l'économie et aussi de l'impact social du réemploi. Pour commencer cet échange, je te pose la question que je pose à tous mes invités au début. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te demandent « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Tu sais, tu as une soirée, pour la première fois tu rencontres quelqu'un, tu passes forcément par cette question. Qu'est-ce que tu leur dis ? Eh ben, je leur dis que je travaille dans une ressourcerie. Donc souvent, ils ne savent pas ce que c'est. Donc je dis, c'est un peu comme une recyclerie. Là, ils situent un peu mieux. Et après, s'ils ne savent toujours pas, je dis, ben, c'est un peu comme un Emmaüs, mais on est un petit peu différent. Et là, en général, ils comprennent de quoi je parle. Effectivement, tu dis que tu travailles dans une ressourcerie. J'ai l'impression que c'est une notion qui est de plus en plus connue. On va y revenir. Comme je le disais, tu es la directrice de la collecterie. Avant de se lancer sur ce que vous faites en détail et le pourquoi du comment, etc., etc., comment on en arrive à ce type de poste ? Quel est ton parcours, Séverine ? Bah, du coup, moi, à la base, je suis designer textile en ameublement, mais j'ai jamais vraiment bossé dans ce domaine. Après, j'ai fabriqué des luminaires pendant longtemps avec un artisan. Et après, j'ai eu mon propre atelier où je retapais du mobilier. Et c'est la rencontre avec un menuisier qui avait aussi son propre atelier sur Montreuil. Et on avait un point commun, donc on ne se connaissait pas du tout, hein. On avait juste une amie en commun qui nous a fait nous rencontrer. Et on avait ce point commun qui était d'être dépité de voir tous les meubles le jour des encombrants à Montreuil, tout le mobilier qu'il y avait sur les trottoirs qui pouvait être réparé, transformé ou réemployé. Et en fait, ça a démarré comme ça, l'aventure. Et on a découvert qu'il existait le réseau des ressourceries, qui avait une formation financée par la région pour créer sa ressourcerie. Et on est parti dans l'aventure comme ça. Donc j'entends deux choses. La première, c'est une carrière quand même plutôt créative où tu travaillais de tes mains et tu avais déjà le savoir de la transformation des vieux objets en objets à nouveau désirables, si je peux le dire comme ça. Ouais. Et puis, un gros ras-le-bol, celui de voir toute cette ressource et ces trésors complètement jetés, abandonnés, alors qu'en fait, toi, tu le savais, tu avais ce pouvoir dans les mains de leur redonner une seconde vie. Oui, tout à fait. Et ça a été super de découvrir qu'il existait le monde des ressourceries. Donc, on est en 2012. Il y en avait déjà un certain nombre en France. Et puis, bah, moi, du coup, le collectif s'est agrandi parce que c'est quand même assez costaud à monter. Donc, on était neuf dans le collectif, d'horizons complètement différents. C'est ça qui était hyper intéressant. On avait un prof de philo, un MacGyver, une éduc de rue, une chargée d'insertion, bref, plusieurs profils. Et moi, j'étais une des seules dans le collectif à pouvoir arrêter de travailler du jour au lendemain pour vraiment monter ce projet à plein temps, quoi. Nous sommes partis dans l'aventure. En 2013, on a créé l'association, déposé les statuts, eu un premier local puisqu'on réparait dans nos propres ateliers. On participait à plein d'événements sur Montreuil. Donc, la ville nous a prêté assez vite un local qui est vite devenu trop petit. Et après, par réseau, on a découvert qu'un local était disponible de 500 mètres carrés dans les murs à pêche et on n'avait pas un sou et on a pris le risque de le prendre. Et on a bien fait. Et donc, on était 3 salariés en 2013 et aujourd'hui, on est 40. J'ai l'impression que votre expérience, elle reflète assez bien le boom des ressourceries. Comme tu le disais, il existe un réseau et d'ailleurs sur le site internet, je suis allé faire un tour et je me suis rendu compte que aujourd'hui sur ce réseau national des ressourceries, il est indiqué qu'il existe environ 160 ressourceries partout sur le territoire. Peut-être que tu as un chiffre un peu plus fin. Ouais, c'est à peu près ça. Et sans compter que il existe aussi des recycleries. Oui, c'est ça. Alors, pour vous donner la différence, c'est une ressourcerie, c'est multiflux. C'est-à-dire qu'on refuse rien, on prend tout, du jouet, de la vaisselle, du textile, du meuble. Mais il y a certaines recycleries qui sont du monoflux, qui vont faire par exemple que du textile, que du jouet, que des articles de sport ou des choses comme ça. Et du coup, elles ne peuvent pas être adhérentes au réseau des ressourceries. Et donc, il y a beaucoup plus de structures que ça sur la France, parce qu'il y a pas mal d'Emmaüs déjà qui ne font pas partie du réseau des ressourceries. Donc, il y a les Emmaüs, les ressourceries, les recycleries. Donc, on est un certain nombre quand même sur le territoire, mais pas assez. On n'est encore pas assez. Oui, donc c'est raisonnable de penser que tout le monde, à un moment ou un autre, a entendu parler d'une ressourcerie ou d'une structure équivalente, mais peut-être que tout le monde n'y a pas encore mis les pieds. Et c'est là où, du coup, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail, puisque vous créez en 2012, hein, si je ne dis pas de bêtises, la collecterie, et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose d'évident et puis de souhaité un peu par tous les milieux. Alors forcément, beaucoup porté par le milieu associatif, et puis avec l'avènement de l'économie sociale et solidaire, ça a pris encore plus d'importance. Maintenant, on entend même parler de loi circulaire pour une économie qui arrêterait de puiser des ressources. J'ai l'impression que vous êtes un peu au bon endroit, au bon moment, et qu'aujourd'hui, c'est en plein boom partout autour. Toi, tu te sens un peu, comment le dire, vieille sage du milieu des ressourceries qui a eu l'impression d'avoir un peu la vista avant tout le monde, ou comment ça se passe? Non, je dirais pas ça, parce qu'on était plusieurs à se monter un peu en même temps sur l'île de France. Donc non, je me sens pas comme ça, mais c'est clair que ça se développe, mais pas encore assez. Il faudrait une ressourcerie ou une recyclerie dans chaque ville, voire même plusieurs dans les grosses villes et dans les campagnes, quoi. Et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. On se projettera en 2030 glorieuse, effectivement, avec une ressourcerie dans chaque ville. Et puis peut-être un cousin ou une cousine, parce qu'on entend aussi parler de plus en plus de repair café, d'objets tech, de bricothèque, etc. etc. Et tous ces lieux qui remettent en question la place de l'objet dans nos vies. Vous, donc, vous acceptez tous les flux des objets, vous les remettez en état de marche ou en état d'attirer le client, et ensuite vous le revendez à prix réduit, et en plus vous en profitez pour avoir un impact qui est donc pas seulement économique et écologique mais aussi social, puisque en général dans ce type d'endroit on favorise l'accès à l'emploi pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, et puis en plus on organise tout un tas d'ateliers notamment qui participent à créer un tissu social, une animation de quartier encore plus accélérée, encore plus régulière, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Après, notre particularité, nous, à la collecterie, c'est qu'à l'origine du projet, du coup, c'est des artisans. Et dès le départ, on a monté un atelier tapisserie, menuiserie, couture, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres ressourceries. Et donc, on va assez loin dans la réparation du mobilier et des assises en particulier et de la couture. Donc, on fait pas mal d'upcycling, comme on dit maintenant. Donc, les objets, quand ils arrivent à la collecterie, déjà, tout est pesé. On a une balance, un logiciel spécialisé dans la traçabilité. Tout est pesé. Donc, on peut rendre des comptes à nos financeurs très précisément sur les tonnages de textiles, de jouets, de mobilier, de vaisselle que l'on reçoit. Donc, depuis le début, on est à plus de 1000 tonnes depuis 2012. Et en fait, ces objets, après, ils sont triés. Donc, soit ils ont un simple petit nettoyage et vont en boutique directement, soit ils sont inutilisables, inexploitables. Du coup, on essaie de les envoyer vers la filière de recyclage adéquate. Donc, le livre va repartir en pâte à papier. Le mobilier va partir pour refaire du panneau de bois. On a plein de partenariats à qui on donne des choses aussi. Et après, il y a un type de valorisation, comme on appelle, qui est un peu plus élevé. C'est ce qui va aller en atelier pour être transformé, réparé, upcyclé. Et du coup, c'est un peu notre marque de fabrique avec pas mal de créations. Et du coup, ça développe aussi toute une partie emploi qui est assez intéressante. Donc, on est chantier d'insertion. Chantier d'insertion, ça veut dire qu'on accompagne un public très éloigné de l'emploi. On l'accompagne maximum 24 mois, donc 2 ans. C'est-à-dire qu'il a un poste à la collecterie qui peut être, par exemple, agent de tri ou de vente. Mais son projet, ça peut être de devenir coiffeur, par exemple. Et donc, du coup, même si son poste n'est pas en rapport avec son projet professionnel, nous, on va l'accompagner pour aller en direction de son projet professionnel, soit par de la formation, de la mise en situation dans une entreprise ou des choses comme ça. C'est vraiment passionnant. Ouais, c'est passionnant. J'entends, tu l'as dit tout de suite au début de notre entretien, la volonté de dire stop au gâchis. Et là, dans comment tu nous parles de ton expérience, j'entends deux types de gâchis. J'entends le gâchis des objets. Donc, il y en a auxquels on peut redonner une vie. Il y en a qu'on peut même améliorer. Tu as parlé d'upcycling, on en parlera tout à l'heure. Il y en a, malheureusement, on ne peut rien faire pour eux. Mais pour autant, cette ressource, elle peut être valorisée. J'entends aussi le gâchis humain. Et là, en l'occurrence, ces personnes éloignées de l'emploi, vous les aidez à reprendre confiance et ensuite vous les accompagnez pour que justement, elles aussi, elles puissent à nouveau avoir la main sur l'exploration de leur potentiel. En fait, de passer par un chantier d'insertion, ça permet de se revaloriser soi-même, d'être accompagné pour son propre projet. Si certaines personnes n'en ont pas, de travailler avec eux sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils aimeraient faire, ce qu'ils ont rêvé de faire quand ils étaient petits, leurs compétences, toujours les mettre en avant et de faire ressortir leurs valeurs. Et c'est très enrichissant, c'est très prenant, mais c'est vraiment enrichissant. Alors, on ne réussit pas toujours. Hein. On ne réussit pas toujours. On n'a pas 100% des salariés qui sortent de chez nous et qui ont un boulot. Ça, c'est clair. Mais il y a quand même des petites étoiles, des petites pépites qui font que tu te dis non, tu fais pas ça pour rien. Ouais, et puis dans le registre non, tu fais pas ça pour rien, la collecterie, c'est aussi un lieu de rencontre là où soit on a le cliché de en fait les ressourceries c'est peuplé des personnes qui n'ont pas les moyens de boucler la fin de mois et donc du coup qui viennent faire des économies autant qu'ils le peuvent dans des lieux comme les vôtres, soit au contraire c'est des gens qui ont dépassé un peu le stade de la surconsommation et qui sont très vite catalogués dans la catégorie de bobos. J'ai l'impression que la collecterie, et là du coup j'aimerais vraiment avoir ton retour d'expérience par rapport à ça, vous êtes un peu justement ce lieu de melting pot où il y a le brassage de personnes qui auraient pas tendance à se croiser dans leur milieu naturel, si je peux le dire comme ça. Ouais, c'est assez vrai. C'est assez vrai au niveau des salariés, puisqu'on a vraiment des profils très, très différents, et au niveau des usagers, où c'est très, très varié. Et comme tu disais, tu as des personnes qui vont venir acheter des fringues à 1 euro ou de la vaisselle à 20 centimes parce que c'est un bien de première nécessité et qu'ils n'ont pas les moyens et qu'ils sont dans des grandes difficultés. Et qui vont croiser un artiste du coin qui vient chiner un objet upcyclé. Enfin, il y a vraiment un gros mélange dans le public qui se retrouvent en boutique, mais qui aussi se retrouvent dans des événements qu'on peut organiser ou des ateliers qu'on peut animer. Donc, il y a un vrai brassage culturel au sein de la collecterie, ouais. Ouais, c'est ça que j'aime bien avec l'exemple de la collecterie, c'est que là où on voit, je sais pas, les supermarchés d'un côté, les grandes galeries commerciales de l'autre, les magasins de niche situés seulement dans certains quartiers avec des gens qui rentrent avec une mission précise, qui ressortent parfois en ayant à peine dit bonjour à la vendeuse ou au caissier. La collecterie, c'est aussi un temps où on vient un peu flâner, le contact est plus facile et naturellement, on se met à discuter avec une personne qui regarde le même rayon que soi, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quand même cette humanité qu'on retrouve beaucoup plus que, sans être naïf pour autant, mais qu'on retrouve beaucoup plus que dans les lieux d'exercice de la surconsommation classique. Ah oui, ouais, je suis tout à fait d'accord, parce que tu ne peux pas venir à la collecterie en ayant une idée précise de ce que tu vas acheter, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a. Et donc, exactement, tu vas flâner. Il y a des gens qui restent une heure dans la boutique, deux heures. Tu vas flâner. Tu vas, par exemple, dans le rayon livre, il y a souvent des discussions entre personnes totalement différentes et qui vont parler de bouquins. Ah, bah, vous me le conseillez, vous l'avez déjà lu. Enfin, c'est vraiment ça, ouais. C'est vraiment chouette. Et ce rapport aux gens qui changent, j'ai l'impression qu'il va de pair avec un rapport aux objets qui changent. On pourrait penser, bon bah voilà, la collecterie, vous mettez en avant des objets qui sont parfois anciens, avec cette touche vintage si caractéristique qui fait qu'il y a des personnes qui sont absolument gaga de tous ces objets usés et passés et qui en fait ont une patine particulière. Vous dites en plus que vous revalorisez certains objets, vous les travaillez, ils ont cette touche artistique, créative qui leur donne encore plus de valeur. On pourrait se dire, allons à la collecterie, continuons à nous adonner à une accumulation sans limite, alors que j'ai l'impression qu'au contraire, il y a quand même une démarche qui va derrière et la relation à l'objet, elle est peut-être, comment le dire, plus contrôlée, non ? Ouais, c'est enfin, nous, en tout cas, avec certains salariés, c'est une vraie bataille de discuter de la surconsommation et de... Parce que du coup, comme les objets passent, ils les trient et qu'ils n'ont pas énormément de moyens et que c'est pas cher, ils auraient tendance à devenir quand même des surconsommateurs de ouf. Et régulièrement, on leur dit « Mais t'es sûr que t'as vraiment besoin de ça ? Mais je crois que t'as déjà acheté un saladier le mois dernier, t'es sûr que t'en as besoin d'un autre ?» Parce que du coup, ça devient hyper facile d'acheter parce que c'est pas cher. Et comme nous, on est effarés de cette surconsommation d'objets qui nous arrivent et du coup de cette surconsommation des gens, surtout du textile, c'est hallucinant. Du coup, c'est assez compliqué que nous, en tant que salariés, on ne retombe pas là-dedans. En fait, c'est vraiment pas évident. Ouais, donc de ce que tu dis, et je pense que c'est encore plus vrai avec ces plateformes internet où on retrouve tout un tas d'objets et notamment de vêtements, hein, de plus en plus d'occasions à portée de clic. Ce que tu dis, c'est que en fait, il y a la nécessité de sans cesse travailler sa relation à l'achat, de travailler sa relation à l'objet et une désintoxication qui doit se faire en étant même idéalement accompagné par ses pairs. Ouais, c'est... Mais même moi, la première, quand je viens filer un coup de main au tri, je suis la première à me foutre des trucs de côté parce que je trouve ça sympa. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Non, bah non, j'en ai pas vraiment besoin. Donc, c'est vraiment pas évident. En ce moment, on fait une formation sur le textile. Et du coup, on a une intervenante qui nous fait voir des vidéos, qui nous passe des articles sur... comment sont produits les choses. Et c'est hyper intéressant et du coup, ça te fait prendre conscience de qui, comment, qui fabrique, comment c'est fabriqué, où c'est fabriqué, dans quelles conditions, quel salaire, pour quelle marque. C'est assez intéressant. Et c'est des petites choses comme ça qui permettent de peut-être changer un petit peu les choses. Ouais, merci Séverine pour ton honnêteté, ta transparence, t'apportes de la complexité à la compréhension de ces enjeux-là, parce que c'est vrai qu'on pourrait tomber dans le cliché de se dire, bah voilà, une ressourcerie, c'est quand même ce lieu post-libéralisme où on rencontre les gens, les objets sont qu'un prétexte, et tu le dis, et je suis aussi le premier concerné. Parce que dès que je vois une ressourcerie, dès que je vois une boutique d'occasion, je rentre forcément pour aller voir s'il n'y a pas de nouvelles BD à mettre dans mon sac à dos. Donc je dois aussi réfréner mes anciennes habitudes de surconsommation, et donc de t'entendre sur ce sujet, d'apporter un peu cette complexité, de voir ton expérience aussi avec la collecterie qui, mine de rien, fête ses 10 ans et donc s'inscrit dans le temps, ça montre qu'il y a vraiment une belle dynamique par rapport à cette circularité dans l'économie, mais aussi un beau prétexte pour faire en sorte que d'autres êtres humains puissent remettre la main sur leur vie. On va en parler plus longuement, on va laisser libre cours à notre imagination optimiste pour voyager ensemble en 2030 glorieuse. Avant ça, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent en ont l'habitude, on marque toujours une sorte de petite pause en littérature. Grâce à toi, on va découvrir un extrait d'un passage inspirant pour justement donner peut-être une autre couleur à ce dont on vient de parler pendant 20 minutes. Tu es arrivée avec un extrait. Qu'est-ce que tu vas nous lire, Séverine ? Je vais vous lire un extrait du livre de Joseph Puntus qui s'appelle « À la ligne ». Alors, pourquoi ce livre ? Il y a plusieurs raisons. Déjà, ça se passe en Bretagne et je suis bretonne. Ça se passe aussi dans une usine et ça décrit comment... en boulot, c'est un écrivain, un poète écrivain, et qui pour pouvoir manger, fait un peu d'intérim et se retrouve dans l'usine, dans des usines, différentes usines, et écrit un bouquin sur comment il a vécu ça. Et du coup, on découvre l'ambiance de travail dans les usines. Et en fait, moi, je me pose vachement de questions depuis un moment sur. Le sens, je trouve que c'est très important d'avoir un sens à ce que l'on fait tous les jours. Et puis l'autre raison, c'est parce que aussi cet auteur est décédé il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Et c'est un très bon ami à ma collègue avec qui je travaille à la collecterie. Et du coup, voilà, il y avait plusieurs raisons. En entrant à l'usine, bien sûr, j'imaginais l'odeur, le froid, le transport de charges lourdes, la pénibilité, les conditions de travail, la chaîne, l'esclavage moderne. Je n'y allais pas pour faire un reportage, encore moins préparer la révolution, non. L'usine, c'est pour les sous, un boulot alimentaire, comme on dit. Parce que mon épouse en a marre de me voir traîner dans le canapé en attente d'une embauche dans mon secteur. Alors c'est l'agroalimentaire, l'agro comme ils disent. Une usine bretonne de production et de transformation et de cuisson, et de tout ça, de poissons et de crevettes. Je n'y vais pas pour écrire, mais pour les sous. À l'agence d'intérim, on me demande quand je veux commencer. Je sors ma vanne habituelle, littéraire et convenue. Eh bien demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Pris au mot, j'embauche le lendemain à 6 heures du matin. Au fil des heures et des jours, le besoin d'écrire s'incruste tenace comme une arête dans la gorge. Non le glauque de l'usine, mais sa paradoxale beauté. Sur ma ligne de production, je pense souvent à une parabole que Claudel, je crois, a écrite. Sur le chemin de Paris à Chartres, un homme fait le pèlerinage et croise un travailleur affairé à casser des pierres. « Que faites-vous ? » ?»« Mon boulot ? Casser des cailloux ? De la merde ! J'ai plus d'eau ! Un truc de chien ! Devrait pas être permis ! Autant crever ! » Des kilomètres plus loin, un deuxième occupé au même chantier, même question. Je bosse, j'ai une famille à nourrir, c'est un peu dur. C'est comme ça et c'est déjà bien d'avoir du boulot, c'est le principal. Plus loin, avant Chartres, un troisième homme, visage radieux, que faites-vous ? Je construis une cathédrale. Puissent mes crevettes et mes poissons être mes pierres. Je ne sens plus l'odeur de l'usine qui au départ m'agaçait les narines. Le froid est supportable avec un gros pullover, un sweatshirt à capuche, deux bonnes paires de chaussettes et un collant sous le pantalon. Les charges lourdes me font découvrir des muscles dont j'ignorais l'existence. La servitude est volontaire, presque heureuse. L'usine m'a eu, je n'en parle plus qu'en disant « mon usine », comme si, petit intérimaire que je suis parmi tant d'autres, j'avais une quelconque propriété des machines ou de la production de poissons ou de crevettes. Merci Séverine pour cette lecture. On est, ça y est, en 2030 glorieuse, un monde où on a réussi. Alors à nous de décider ce qu'on a réussi à faire. Je te dis pas que tout est facile, je te dis pas que tout est gagné, mais par contre on a réussi à changer de boussole. Aujourd'hui, notre boussole, c'est plus la boussole de la croissance du PIB, de l'accumulation. La boussole, c'est la boussole du bonheur, la boussole du sens, la boussole de la durabilité, de la préservation de notre planète. Là, on va donner de la texture à ces 2030 glorieuses. Je sais que c'est un exercice difficile. Alors je t'invite, s'il te plaît, essaye au maximum de parler au présent comme si tu parlais en 2030 glorieuse. D'ailleurs, ça y est, nous sommes en 2030 glorieuse, il n'y a plus de conditionnel. Tout ce que nous disons, nous l'inventons et en même temps nous le vivons. C'est pour aider celles et ceux qui nous écoutent à le voir. Si on parle au passé, alors on revient dans leur présent à eux, c'est-à-dire en 2021. Je sais que c'est pas évident, tu me pardonnes si je te reprends, mais on va essayer de faire ce jeu-là. Et donc du coup, ça y est, on est en 2030 glorieuse. Si tu réouvrais les yeux sur ce monde qui nous entoure, qu'est-ce que tu verrais en premier? Qu'est-ce que tu aimerais donner à voir à celles et ceux qui nous écoutent? Ben aujourd'hui, on a réussi, au fait que les gens, avant d'acheter des choses neuves, vont déjà dans des ressourceries, vont acheter du réemploi, voir s'il existe ce dont ils ont besoin en réemploi. Il y a des ressourceries partout maintenant, il y a des recycleries, ressourceries dans toute la France. Et le premier geste d'une personne lambda est d'aller dans une ressourcerie avant d'aller dans une boutique où il n'y a que du neuf. Et ça, c'est grâce aussi à un travail qui a été mené depuis 10 ans, où on a expliqué aux gens comment sont produites les choses, quelles ressources naturelles ça prend sur Terre, qui fabrique, où c'est fabriqué. Quel âge ont les personnes qui fabriquaient ces choses et à quel salaire elles étaient payées? Et toute cette prise de conscience fait que les gens maintenant réfléchissent avant d'acheter du neuf et réfléchissent s'ils en ont vraiment besoin. On a un peu stoppé cette surconsommation pour un peu sauver aussi notre terre, puisque la production, c'est des ressources naturelles. Le rapport a complètement changé. Avant, on avait la quasi-intégralité des magasins qui vendaient des produits neufs et puis de temps en temps, à la marge, une ressourcerie, un Emmaüs, etc., etc. Aujourd'hui, c'est quasiment l'inverse, si bien que les ressourceries et tous les objets, les magasins d'occasion, les magasins d'objets technologiques reconditionnés sont la norme et les anciens supermarchés, je ne sais pas si tu te souviens, ont été repris pour aujourd'hui vendre quasiment que des produits d'occasion, en partenariat d'ailleurs avec les ressourceries, les Emmaüs, les associations comme Envie, etc. etc. Je me rappelle aussi, Emmaüs avait l'atelier du bocage. Enfin, bref, tout un tas de mécanismes qui aujourd'hui sont des fournisseurs de ces supermarchés. Et ces supermarchés sont aussi même devenus des centres pédagogiques, des musées de la surconsommation où on voit ces photos dont tu parles avec les entrepôts remplis de personnes qui faisaient les objets à la chaîne. Il y a eu cette éducation et ces supermarchés qui à l'époque étaient un peu ces pièges de la surconsommation, ils ont été mis à disposition pour éduquer et proposer des alternatives. Ça a tout changé en l'espace de 10 ans, hein, c'est fou. Ouais, c'est génial et du coup ça a permis aussi de créer énormément d'emplois, puisque à l'époque pour une tonne de déchets traités en centre d'incinération, c'était une personne qui travaillait, alors que pour le réemploi, une tonne c'est 30 personnes qui travaillent. Donc du coup ça démultiplier aussi l'emploi en insertion et en emploi pérenne. Et c'est ça qui est super chouette. Et ça a permis aussi d'alléger son budget, puisque à l'époque, le moindre t-shirt était au moins 10 ou 15 euros. Aujourd'hui, tu le trouves à 1 ou 2 euros. Donc, ce qui fait que tu as un budget pour faire autre chose, pour manger mieux. s'est également développé avec ça, beaucoup de circuits courts. On a plein de petits magasins maintenant où tu peux acheter ta salade qui a été produite à moins de 30 km, ton poulet qui a été élevé en Île-de-France dans un champ. Alors un peu loin, hein, dans les bords de l'Île-de-France. Il y a plein de choses hyper intéressantes dans ce que tu dis. J'aimerais quand même revenir et en isoler certaines, parce que là, du coup, tu touches du doigt quelque chose d'hyper important. Il y a quelques années en arrière, on disait « Ah, l'écologie, de toute manière, vous êtes bien sympa, mais on n'aura jamais du boulot pour tout le monde avec vos histoires. » Ce que tu dis là, c'est qu'en fait, cette circularité, cette envie de puiser moins de ressources, elle permet au contraire de redonner de l'emploi. Là, en l'occurrence, ton exemple est éloquent. Et en plus, c'est de l'emploi qui a du sens, puisque hier, on avait des entrepôts qui étaient remplis de personnes qui faisaient les mêmes gestes pendant des années et qui avaient comme seule interface des machines. Aujourd'hui, on a des personnes qui peuvent laisser libre cours à leur créativité et qui sont sans cesse mis face à de nouveaux objets, à de nouvelles pièces qui vont devoir reconditionner, réadapter. Et donc, du coup, il y a leur talent, leur attention qui est sans cesse sollicitée. Ça change tout, hein. Oui, ça change tout. Après, je dis pas que c'est facile, parce qu'on porte aussi des trucs, voilà, c'est pas tous les jours rigolo. Enfin, voilà, de trier du textile pendant toute une journée. Nous, on essaie de tourner sur les postes, parce que c'est pas rigolo de trier du textile toute la journée, mais c'est très polyvalent. C'est-à-dire, un jour, tu peux être en atelier à produire des broches avec des vieilles paires de vieilles lunettes, et puis le lendemain, t'es en train de conseiller des gens dans la boutique, et puis le surlendemain, t'es au tri, et en fait, c'est d'être polyvalent et d'être sur plusieurs postes, ben, déjà, ça rend moins monotone, et puis, ça a un vrai sens, et puis, ça te permet aussi d'avoir plein de casquettes. Tu peux être vendeur, tu peux être au tri, tu peux faire de la création, travailler avec tes mains. En fait, nous, le faire avec ses mains, c'est très, très important. Ouais, j'entends une grande présence de l'artisanat dans le travail de la ressourcerie, avec la revalorisation d'objets, mais aussi la créativité. Je sais que vous faites tout un tas de choses avec des anciens objets que vous détournez, que vous améliorez. Vous leur redonnez une touche particulière, vous faites des tabourets avec des anciens crayons. Enfin, il y a vraiment cette place à la singularité, à l'originalité dans votre mission, hein. Oui, tout à fait. Et puis, notre envie, c'est de transmettre ces choses. C'est-à-dire qu'on anime énormément d'ateliers où les gens peuvent venir apprendre à réparer la chaise de la grand-mère sur laquelle ils sont assis quand ils étaient petits. Ils peuvent apprendre à réparer leurs luminaires, ils peuvent apprendre à fabriquer des trousses de toilette avec les anciens rideaux, plein de choses qui vont toujours aller dans le sens qu'est-ce que je peux en faire avant de vraiment le jeter, quoi, définitivement. Est-ce que je peux en faire quelque chose? Et ça, c'est un truc qui est vraiment rentré dans la tête des gens. C'est que maintenant, avant de jeter dans ta poubelle ou avant de mettre aux encombrants sur le trottoir, le premier lundi du mois, eh ben, tu te dis, tiens, est-ce que je le donne à notre ressourcerie ou est-ce que je peux en faire quelque chose? Et donc, ça veut dire que chacun a un logement absolument atypique. Il y a 10 ans en arrière, on avait tous les mêmes meubles Ikea, les mêmes tables basses, les mêmes étagères. Et là, aujourd'hui, si tout sort d'une ressourcerie, si tout a été chiné et upcyclé, tout est différent, tout est à l'image de la personnalité de l'occupant du logement. Ouais. Oui, c'est vrai. Après, tu peux réussir à avoir un logement complètement atypique de briques et de broc, et tu peux aussi avoir que des meubles noirs. Hein, c'est tout à fait possible. tout est possible. Et c'est ça qui est chouette. Et puis, c'est plus une honte d'acheter réemploi ou de réparer. Du coup, on achète moins cher, on apprend à faire soi-même. Donc du coup, je vois derrière toutes les économies qui ont eu lieu. Tu as commencé à en parler. Ces économies, on peut en faire plusieurs choses. Soit on les met à profit d'autres dépenses qu'on va améliorer drastiquement. Tu parlais notamment de mettre à disposition ce budget pour acheter bio, pour acheter local, pour mieux manger. Et ça serait un investissement considérable à la fois pour notre santé, pour notre goût, pour la planète. J'imagine qu'on peut aussi dire, j'ai besoin moins d'argent, donc du coup, je vais moins travailler. Et on change encore la relation au travail qui va dans le sens de ta lecture de tout à l'heure, où finalement, on peut toutes et tous trouver la cathédrale qu'on a à construire, mais on peut aussi décider d'y passer un peu moins de temps. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais pour se consacrer à son entourage, se consacrer à ses hobbies. Ouais, tout à fait. Plus de temps consacré à la famille ou plus de temps consacré à la musique pour ceux qui font de la musique. Plus de temps consacré à avoir des loisirs culturels, le théâtre, les concerts, le cinéma. Toi, justement, c'est ce que tu arrives à faire. Tu arrives à dégager du temps pour te consacrer à d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais en 2030 Glorieuse ? Eh bien, je jardine beaucoup. Je participe à d'autres associations, principalement sur le jardinage, sur de la culture urbaine. Je m'occupe de mes petits-enfants. Je prends vraiment du temps avec eux. Et je vais à beaucoup de concerts et des pièces de théâtre aussi. J'imagine qu'en tant qu'experte ancienne, maintenant, on peut le dire comme ça, dans la création d'une ressourcerie, tu dois être beaucoup sollicité aussi pour dupliquer cette expérience partout sur le territoire, pour ne pas tomber dans les pièges, pour accélérer la création d'un réseau, d'un partage des bonnes pratiques, non ? Ouais, tout à fait. Et ça, c'est vraiment c'est un truc que l'on fait vraiment depuis le départ. Déjà, depuis 2014-2015, on accompagne des porteurs de projets. Ça fait partie vraiment du réseau d'accompagner d'autres projets à se monter parce que il en faut partout et du coup on accompagne plus ou moins certains porteurs de projets, on leur fait juste une visite, on leur explique comment on a créé notre sourcerie, et puis d'autres on va les accompagner plus loin, on va aller même jusqu'à aller sur place, jusqu'à montrer comment on peut retapisser une chaise parce qu'ils veulent monter un atelier tapisserie. Enfin, ça peut aller loin. C'est ça qui est génial dans cette initiative et donc dans cette sphère, c'est qu'en fait, vous avez complètement balayé la concurrence du modèle classique. Là, vous êtes dans l'entraide. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, il faut imaginer que dans une ville comme Montreuil, aujourd'hui, on est à 125 000 habitants. Il y a 4 sourceries et il y a du boulot pour tout le monde. En sachant que tous les habitants ne se sont pas mis à vos bonnes pratiques. Donc, ça veut dire qu'il y a encore énormément de meubles qui sont en attente d'être recollectés, revalorisés et de personnes qui aussi pourraient acheter d'occasion de seconde main plutôt que d'acheter neuf. Donc, si on le passait à toute la population, ça serait une multiplication par, je ne sais pas, j'ose même pas dire de chiffres. Oui, il y a encore un fort potentiel pour développer tout ça, ouais. En emploi, en tonnage d'objets, et ça a des répercussions jusqu'au centre d'incinération, où il y a beaucoup moins de choses incinérées, puisque maintenant, le compostage est partout. Du coup, c'est développé. Comme je disais, moi, je participe à pas mal de jardins avec de l'agriculture urbaine où on utilise du coup le compost des immeubles. C'est vraiment des choses qui sont ancrées et ça, c'est vraiment chouette. Alors, par contre, c'est vrai que du coup, on se retrouve à la maison avec 6 ou 7 poubelles différentes, mais c'est pas grave. Oui, c'est des poubelles qui sont toutes décorées et personnalisées, donc finalement, elles font partie du mobilier. De retour en 2021, Séverine, j'aimerais t'entendre sur le premier pas à faire, parce que là, du coup, on a parlé de cette économie circulaire, on a parlé de ces ressourceries avec ces caps qui sont hyper enthousiasmants. Toutes les personnes qui nous ont écoutées, elles se sont dit « Waouh, moi aussi j'ai envie ». ce cap, il est dans 10 ans, donc c'est à la fois très court et très long. Quel est le premier pas pour qu'on puisse toutes et toutes ensemble marcher vers ces 2030 glorieuses qu'on a dessinées ensemble? Qu'est-ce que tu suggérerais comme première action pour se mettre en mouvement? Eh ben, de vraiment réfléchir à ce qu'on achète. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que ça n'existe pas en ressourcerie au lieu de l'acheter neuf? Et surtout, comment c'est produit? Et en fait, c'est un début. C'est un début de prise de conscience. Comment sont fabriquées les choses? Par qui? Dans quelles conditions? À quel salaire? Et en fait, c'est ne plus vouloir participer à ce genre de choses et acheter plutôt réemploi que neuf. Donc la prochaine fois que les personnes qui nous écoutent devront acquérir un nouvel objet, leur défi, c'est de l'acheter d'occasion ou peut-être même de l'emprunter. Moi, ça me fait tout de suite penser ce dont tu parles au défi Rien de Neuf qui a été lancé par l'association Zero Waste et qui est complètement dans cette tendance et qui accompagne les gens justement à acheter le moins neuf possible, mais à trouver toutes les alternatives. Donc peut-être que ça vaut le coup de s'inscrire à cette newsletter, et il y a une communauté derrière. Et puis ça me fait aussi penser à une campagne qui s'appelle Who Made My Clothes, et ils essaient de voir un peu, de lever le voile derrière qui est à l'origine de nos vêtements et de quelles sont les meilleures alternatives neuves, mais pas que, et ça va tout à fait dans cette tendance. Je te remercie Séverine pour cet échange. Merci beaucoup. Et voilà, ça y est, cet épisode avec Séverine Bellec est terminé. Je suis vraiment très très heureux de vous avoir donné à voir l'expérience de Séverine à travers la collecterie et donc la nécessité d'avoir le maximum de ressourceries partout sur le territoire. Moi, par exemple, ça fait depuis, je sais pas, 10-15 ans qu'il y a une ressourcerie à côté de chez mes parents, et j'ai eu le réflexe d'y aller très tôt. Et comme je le disais dans le podcast, en plus, pour moi, c'était toujours l'occasion d'aller farfouiller dans les étagères pour aller découvrir de nouveaux bouquins. Donc j'ai développé ce plaisir à aller me perdre un peu dans les rayons des ressourceries, mais pour d'autres c'est pas évident. Et puis je pense qu'il y a aussi ce besoin d'arriver à changer un peu les mentalités sur la place des objets d'occasion, sur leur valeur, et sur leur valeur notamment au moment de faire un cadeau. Je sais que quand il y a un anniversaire, quand il y a un Noël, on n'est pas toujours très prompt à offrir des objets d'occasion, même si c'est quand même quelque chose qui est en forte hausse. Donc voilà, vous avez pu découvrir l'expérience de Séverine avec la collecterie, qui est vraiment un lieu à part et qui est l'un des cœurs battants de Montreuil, puisque c'est un endroit où on peut forcément acheter de nouveaux objets, mais comme Séverine vous l'a expliqué, aussi rencontrer de nouvelles personnes et puis apprendre de nouveaux savoir-faire, par exemple remettre à neuf une chaise, créer des nouveaux objets. Enfin, c'est vraiment vraiment passionnant, ce mélange entre réparation, customisation et puis forcément achat. Et ça montre à quel point toutes les personnes qui disent oui, l'écologie ça peut pas être pérenne économiquement, se trompent. Les métiers autour des ressourceries sont hyper passionnants, hyper nombreux, laissent la place à la créativité, mais aussi laissent la place au parcours peut-être un peu plus cassé et aux personnes qui sont souvent mises de côté dans notre économie libérale. Et ça aussi, c'était hyper intéressant et hyper nécessaire de l'entendre. J'ai hâte de vous faire découvrir le prochain épisode. Et puis en attendant, je vous souhaite forcément une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !